Chapitre 5e. Le lac bleu, en mongol Kuku Nor, et en tibétain Tsot Ngo Po, était anciennement appelé par les Chinois Siai, la mer occidentale. Aujourd'hui, il lui donne le nom de Tsinghai, la mer bleue. Cet immense réservoir d'eau, qui a plus de 100 lieues de circonférence, semble en effet mériter plutôt le nom de mer que celui de lac. Sans parler de sa vaste étendue, il est à remarquer que ses eaux sont amères et salées, comme celles de l'océan, et subissent également la périodicité du flux et du reflux. L'odeur marine qu'elles exhalent se fait sentir bien au loin dans le désert. Vers la partie occidentale de la mer Bleue, il existe une petite île inculte et rocailleuse, habitée par une vingtaine de lamas contemplatifs. Ils y ont construit un temple bouddhique et quelques habitations où ils passent leurs jours dans le calme et la retraite, loin des distractions et des inquiétudes du monde. On ne peut aller les visiter, car sur toute l'étendue des eaux, il n'y a pas une seule barque. Du moins, nous n'en avons jamais aperçu, et les Mongols nous ont assuré que parmi leurs tribus, personne ne s'occupait de navigation. Cependant, durant la saison de l'hiver, au temps des grands froids, les eaux se glacent assez solidement pour permettre aux bergers des environs de se rendre en pèlerinage à la lamaserie. Ils apportent aux lamas contemplatifs leurs modestes offrandes de beurre, de thé et de tsamba, et ils en reçoivent en échange des bénédictions pour la bonté des pâturages et la prospérité de leurs troupeaux. Les tribus du Kuku Nor sont divisées en 29 bannières, commandées par 3 Kyunhuang, 2 Beile, 2 Beise, 4 Kung et 18 Taizi. Tous ces princes sont tributaires de l'empereur chinois. Ils font tous les 2 ans le voyage de Pékin, où ils apportent en tribut des pelleteries et de la poudre d'or qu'ils ramassent dans les sables de leurs rivières. Les vastes plaines qui avoisinent la mer Bleue sont d'une grande fertilité et d'un aspect assez agréable, quoiqu'elles soient entièrement dépouillées d'arbres. Les herbes y sont d'une prodigieuse hauteur, et les nombreux ruisseaux qui fertilisent le sol permettent aux grands troupeaux du désert de se désaltérer à satiété. Aussi les Mongols aiment-ils à dresser leurs tentes parmi ces magnifiques pâturages. Les hordes des brigands ont beau les harceler sans cesse, ils n'abandonnent jamais le pays. Ils se contentent de changer fréquemment de place pour déjouer les poursuites de leurs ennemis. Et quand ils ne peuvent les éviter, ils acceptent le combat avec bravoure. Cette nécessité où ils se trouvent continuellement placés de défendre leurs biens et leur vie contre les attaques des Sifans a fini par les rendre courageux et intrépides. À toute heure du jour et de la nuit, on les trouve prêts à combattre. Ils veillent à la garde de leurs troupeaux, toujours à cheval, toujours la lance à la main, un fusil en bandoulière et un grand sabre passé à la ceinture. Quelle différence entre ces vigoureux pasteurs à longues moustaches et les langoureux bergers de Virgile, toujours occupés à jouer de la flûte ou à parer de rubans et de fleurs printanières leurs jolis chapeaux de paille. Les brigands qui tiennent sans cesse en alerte les tribus mongoles du Kuku Nor sont des hordes de Sifans ou tibétains orientaux qui habitent du côté des monts Bayankarat vers les sources du fleuve jaune. Dans le pays, ils sont connus sous le nom générique de Kolo. Leur repère est, dit-on, caché dans des gorges de montagnes où il est impossible de pénétrer sans guide, car toutes les avenues sont gardées par des torrents infranchissables et par d'affreux précipices. Les Kolos n'en sortent que pour parcourir le désert et se livrer au pillage et à la dévastation. Leur religion est le bouddhisme, mais ils ont parmi eux une idole particulière qu'ils nomment la divinité du brigandage. C'est sans contredit celle qui leur inspire le plus de dévotion et qu'ils honorent d'un culte tout spécial. Leurs lamas sont occupés à prier et à faire des sacrifices pour le bon succès des expéditions. On prétend que ces brigands sont dans la révoltante habitude de manger le cœur de leurs prisonniers dans le but d'entretenir et de fortifier leur courage. Il n'est pas au reste de pratiques monstrueuses qui ne leur soit attribué par les Mongols du Kuku Nor. Les Kolos sont divisés en plusieurs tribus qui portent toutes un nom particulier. C'est seulement dans cette nomenclature que nous avons entendu parler des Kalmouks. Ce qu'on nomme la Kalmoukie est quelque chose de purement imaginaire. Il s'en faut bien que les Kalmouks jouissent en Asie d'une aussi grande importance que dans nos livres de géographie. Nous avons été obligés de travailler beaucoup afin de parvenir à la simple découverte de leur nom. Dans la Kalmoukie même, personne n'avait entendu parler des Kalmouks. Nous fûmes heureux de rencontrer un lama qui avait beaucoup voyagé dans le Tibet oriental et qui nous apprit enfin que parmi les Kolos, il y avait une petite tribu nommée Kolo-Kalmouki. Il se peut que les Kalmouks aient eu autrefois une grande importance et aient occupé de vastes contrées. Mais il se peut aussi que les voyageurs du XIIIe siècle, appuyés sur quelques notions vagues et indéterminées, en aient fait un peuple nombreux. Le Koukounor ne mérite pas non plus l'importance qu'on lui donne dans nos géographies. Il occupe, sur les cartes, beaucoup plus d'extension qu'il n'en a réellement. Quoiqu'il comprenne 29 bannières, ses frontières sont assez resserrées. Il est borné au nord par Kilianchon, au sud par le fleuve Jaune, à l'est par la province du Kansu et à l'ouest par la rivière Tsaïdam, où commence un autre pays tartare, habité par des peuplades qui portent le nom de Mongols du Tsaïdam. D'après les traditions populaires du Koukounor, la mer Bleue n'aurait pas toujours existé où on la voit aujourd'hui. Cette grande masse d'eau aurait primitivement occupé dans le Tibet la place où s'élève la ville de Lhasa. Un beau jour, elle aurait abandonné son immense réservoir et serait venue par une marche souterraine jusqu'à l'endroit qui lui sert actuellement de lit. Voici de quelle manière on nous a raconté ce merveilleux événement. Dans les temps anciens, les Tibétains du royaume d'Uyi voulurent bâtir un temple au centre de la grande vallée qu'ils occupaient. On prépara à grands frais les matériaux les plus précieux et l'édifice s'éleva rapidement. Mais au moment où il allait être terminé, il s'écroula tout à coup sans qu'on pût découvrir la cause de ce désastre. L'année d'après, on fit de nouveaux préparatifs et l'on travailla à la construction du temple avec une égale ardeur, mais il s'écroula encore une seconde fois. On fit une troisième tentative qui fut également suivie de la même catastrophe. Tout le monde fut plongé dans la désolation la plus profonde et on parla d'abandonner l'entreprise. Le roi, ayant fait consulter un devin fameux dans le pays, celui-ci répondit qu'il ne lui était pas donné de connaître la cause qui s'opposait à l'édification du temple, mais qu'il savait qu'un grand saint de l'Orient possédait un secret et que si l'on pouvait le lui arracher, l'obstacle disparaîtrait aussitôt. Il ne put donner de renseignements plus précis sur ce grand saint ni sur le lieu qu'il habitait. Après de longues délibérations, on envoya à la découverte un lama plein d'adresse et de courage. Il parcourut toutes les contrées situées à l'est du royaume d'Uyi, il visita toutes les tribus tartares, s'arrêtant partout où il entendait parler de quelque homme renommé pour son savoir et sa sainteté. Toutes ses recherches furent inutiles. Il eut beau interroger, beau parler de la vallée du royaume d'Uyi et du temple qu'on avait essayé d'y élever, il ne fut compris de personne. Il s'en retournait donc triste et découragé lorsqu'en traversant les grandes plaines qui séparent le Tibet de la Chine, la sous-ventrière de sa selle venant à casser, il tomba de cheval. Ayant aperçu non loin de là, sur les bords d'un petit étang, une tente pauvre et délabrée, il s'y rendit pour réparer sa selle. Après avoir attaché son cheval à un pieu fixé à la porte de la tente, il entra et trouva un vénérable vieillard absorbé dans la pièce. « Frère, dit le voyageur, que la paix soit toujours dans ta demeure. Frère, répondit le vieillard, sans faire le moindre mouvement, assieds-toi auprès de mon foyer. Le lama tibétain crut s'apercevoir que le vieillard était aveugle. Je vois avec douleur, dit-il, que tu es privé de l'usage de tes yeux. Oui, il y a un grand nombre d'années que j'ai perdu le bonheur de contempler le soleil et la verdure de nos belles prairies, mais la prière est un grand soulagement à mon infortune. Frère, il me semble que ton langage a un accent particulier. N'es-tu pas un homme de nos tribus? Je suis un pauvre lama de l'Orient. J'ai fait vœu de visiter les temples qu'on a élevés dans les contrées mongoles et de me prosterner devant les saints personnages que je rencontrerai sur ma route. Un accident m'est arrivé en passant par ici. J'ai cassé la sous-ventrière de ma selle et je suis venu dans ta tente pour la réparer. Je suis aveugle, dit le vieillard. « Je ne puis moi-même te servir. Regarde à côté de la tente, tu trouveras des courroies. Prends celle qui te conviendra le mieux pour arranger ta selle. » Pendant que l'étranger choisissait une bonne courroie pour faire une sous-ventrière, le vieillard lui dit « Ô lama des contrées orientales, tu es heureux de pouvoir passer tes jours à visiter nos monuments sacrés. Les temples les plus magnifiques sont dans les contrées mongoles. Les pobas, les tibétains, ne parviendront jamais à en avoir de semblables. C'est en vain qu'ils font des efforts pour en élever dans leur belle vallée. Les fondements qu'ils jetteront seront toujours sapés par les flots d'une mer souterraine dont ils ne soupçonnent pas l'existence. » Après un moment de silence, le vieillard ajouta : « Je viens de prononcer ces paroles parce que tu es un lama mongol. Mais tu dois les conserver dans ton cœur et ne les communiquer à personne. Si, dans tes pèlerinages, tu viens rencontrer un lama du royaume d'Oui, veille avec soin sur ta langue, car la révélation de mon secret causerait la ruine de nos contrées. Quand un lama du royaume d'Oui saura que dans leur vallée il existe une mer souterraine, les eaux s'échapperont aussitôt et viendront inonder nos prairies. » À peine eut-il achevé de parler que l'étranger se leva et lui dit « Infortuné vieillard, sauve-toi, sauve-toi la hâte. Les eaux vont bientôt arriver car je suis un lama du royaume d'Oui. » À ces mots, il sauta sur son cheval et disparut dans le désert. Ces paroles furent comme un coup de foudre pour le pauvre vieillard. Après un instant de morne stupeur, il s'abandonna aux cris et aux gémissements. Pendant qu'il était dans cet état de désolation, son fils arriva, ramenant du pâturage un petit troupeau de sarligues. « Mon fils, lui dit le vieillard, selle promptement ton cheval, arme-toi de ton sabre et précipite-toi du côté de l'Occident. Tu rencontreras un lama étranger que tu dois immoler sur le champ car il a volé ma courroie. Quoi ? S'écria le jeune homme, saisi d'épouvante. C'est un meurtre que vous me commandez ? Comment, mon père ? Pendant que nos tribus ne parlent qu'avec admiration de votre grande sainteté, vous osez m'ordonner d'immoler un pauvre voyageur pour avoir pris dans votre tente une courroie dont il avait sans doute besoin ? Pars vite, ô mon fils, je t'en conjure ! Répétait le vieillard en se tordant les bras de douleur. « Pars vite et immole cet étranger, si tu ne veux pas que nous soyons tous engloutis dans les flots !» Le jeune homme, croyant que son père était dans un accès de délire, ne voulut pas le contredire de peur de l'irriter davantage. Il monta à cheval et courut sur les traces du lama du royaume d'Oui. Il l'atteignit avant la fin du jour. « Saint personnage, lui dit-il, pardonne-moi si je viens interrompre ta marche. Tu t'es reposé aujourd'hui dans notre tente, et tu as pris en partant une courroie que mon père demande à grands cris. La fureur du vieillard est si grande qu'il m'a ordonné de te mettre à mort. Mais il n'est pas plus permis d'exécuter les ordres d'un vieillard en délire que ceux d'un enfant. Rends-moi cette courroie et je retournerai calmer mon père. » Le lama du royaume d'Oui descendit de cheval, détacha la sous-ventrière de la selle et la remit au jeune homme en lui disant « Ton père m'avait donné cette courroie. Puisqu'il la regrette, reporte-la lui. Les vieillards sont fantasques. Il faut cependant les respecter toujours et éviter avec soin de leur causer du chagrin. » Le lama détacha sa ceinture, en fit une sous-ventrière et continua sa route, tandis que le jeune homme retournait en toute hâte vers sa demeure. Il arriva pendant la nuit et trouva sa tente environnée d'une multitude de bergers qui, ne comprenant rien aux gémissements du grand saint de la contrée, attendaient son retour avec anxiété. « Mon père, mon père !» s'écria le jeune homme en mettant pied à terre. « Calmez-vous, voici votre courroie que je vous rapporte. »« Et l'étranger ?» dit le vieillard. « L'as-tu mis à mort ?»« Je l'ai laissé aller en paix dans son pays. N'aurais-je pas commis un grand crime en tuant un lama qui ne vous a fait aucun mal ? Voici la courroie qu'il vous avait volée. » Et en disant ces mots, il la remit entre les mains de son père. Le vieillard frissonna de tous ses membres, car il comprit que son fils avait pris le change. Le même mot « mongol » signifie en effet tout à la fois « courroie » et « secret ». Le vieillard avait voulu dire à son fils de tuer l'étranger qui lui avait volé son secret. Mais voyant qu'on lui rapportait une courroie, il s'écria « L'Occident triomphe, c'est la volonté du ciel !» Il avertit ensuite les bergers de s'enfuir à la hâte avec leurs troupeaux s'ils ne voulaient pas être engloutis par les eaux. Pour lui, il se prosterna au milieu de sa tente et attendit la mort avec résignation. Le jour avait à peine commencé à paraître, qu'on entendit sous terre un bruit sourd et majestueux, semblable au tumulte que font les torrents quand ils roulent leurs ondes à travers les rochers des montagnes. Le bruit avança avec une épouvantable rapidité et on vit bouillonner le petit étang au bord duquel le vieillard avait dressé sa tente. Bientôt la terre éprouva de grandes secousses, les eaux souterraines montèrent avec impétuosité et se répandirent comme une grande mer au milieu de ces plaines immenses. Il périt des bestiaux innombrables et beaucoup de familles qui n'eurent pas le temps de se sauver. Le vieillard fut le premier englouti dans les flots. Le lama qui emportait le secret de cette grande catastrophe arriva dans le royaume d'Oui et trouva ses compatriotes plongés dans une grande consternation. Ils avaient entendu dans la vallée un tumulte effroyable et nul ne pouvait en assigner la cause. Il raconta l'histoire du vieillard aveugle et après son récit, tout le monde comprit que le fracas qu'on avait entendu avait été produit par la mer souterraine, au moment où elle s'était transportée à l'Orient. On reprit avec enthousiasme les travaux de construction qui avaient été abandonnés et on éleva un temple magnifique qui est encore debout. Grand nombre de familles allèrent s'établir aux environs du temple et peu à peu se forma une grande ville qui prit le nom de Lhasa, terre des esprits. Cette singulière chronique sur l'origine de la mer Bleue nous fut d'abord racontée pour la première fois dans le Kukunor. On nous la répéta ensuite à Lhasa, à peu près avec les mêmes circonstances. Il nous a été impossible de découvrir à quel événement historique pouvait faire allusion une fable aussi bizarre. Nous séjournâmes dans le Kukunor pendant près d'un mois. Des rumeurs continuelles sur le compte des brigands nous forcèrent à décamper 5 ou 6 fois et à suivre les tribus tartares qui, au moindre bruit, changent de place, sans pourtant s'éloigner jamais trop des magnifiques pâturages qui avoisinent la mer Bleue. Vers la fin du mois d'octobre, l'ambassade tibétaine arriva. Nous nous joignîmes à cette immense troupe, grossie en route par un grand nombre de caravanes mongoles qui, comme nous, profitaient de cette excellente occasion pour faire le voyage de Lhasa. Autrefois, le gouvernement tibétain envoyait tous les ans une ambassade à Pékin. Celle de 1840 fut attaquée en route par un grand nombre de colos. On se battit pendant une journée tout entière. Les Tibétains, ayant été assez heureux pour mettre en fuite les brigands, continuèrent leur route pendant la nuit. Le lendemain, on s'aperçut qu'on n'avait plus dans la caravane de Chanakampo ou Grand Lama, accrédité près la cour de Pékin, en qualité d'ambassadeur du Dalai Lama. Durant plusieurs jours, on fit des perquisitions sans qu'on pût le retrouver. On pensa que, dans la confusion du combat, il aurait bien pu être pris par les colos et emmené prisonnier. L'ambassade n'en continua pas moins sa route et arriva à Pékin sans son personnage officiel. Il va sans dire que l'empereur fut désolé de ce funeste événement. En 1841, nouveau combat contre les brigands et aussi nouvelle catastrophe. Cette fois-là, le Chanakampo ne fut pas enlevé par les colos, mais il en reçut dans le ventre un affreux coup de sabre dont il mourut quelques jours après. L'empereur, en apprenant ce nouveau sinistre, fut, dit-on, inconsolable. Il envoya des dépêches au Dalai Lama, dans lesquelles il lui disait que, vu les difficultés et les dangers de la route, dorénavant il n'y aurait d'ambassade que tous les 3 ans. D'après ces nouvelles dispositions, depuis 1841, il n'y avait pas eu d'autre ambassade que celle que nous venions de rencontrer et qui était partie de Lhasa en 1844. En allant, elle avait eu le bonheur de ne pas faire la rencontre des brigands et par conséquent son Chanakampo n'avait été ni volé ni tué. Le lendemain de notre départ de Kukunor, nous nous plaçâmes en tête de la caravane, puis nous nous arrêtâmes en route pour voir défiler devant nous cette immense troupe et faire connaissance avec nos compagnons de voyage. Les hommes et les animaux qui composaient la caravane peuvent être évalués au nombre suivant. 15 000 bœufs à longs poils, 1 200 chevaux, autant de chameaux et 2 000 hommes, soit tibétains, soit tartares. Les uns allant à pied, d'autres étant montés sur des bœufs à longs poils, le plus grand nombre étant à cheval ou à chameau. Tous les cavaliers étaient armés de lances, de sabres, de flèches et de fusils à mèche. Les piétons, nommés lactos, étaient chargés de conduire les files de chameaux ou de diriger la marche capricieuse et désordonnée des troupeaux de bœufs. Le Chanakampo voyageait dans une grande litière portée par 2 mulets. En dehors de cette multitude, dont le voyage ne devait se terminer qu'à Lhasa, il y avait une escorte de 300 soldats chinois fournis par la province de Kansu et 200 braves tartares chargés par les princes du Kukunor de protéger la sainte ambassade du Dalai Lama jusqu'aux frontières du Tibet. Les soldats de la province du Kansu s'acquittaient de leurs fonctions en véritables chinois. De peur de quelque fâcheuse rencontre, ils se tenaient prudemment à la queue de la caravane. Là, ils chantaient, ils fumaient et folâtraient tout à leur aise, sans se mettre en peine des brigands. Tous les jours, ils avaient la remarquable habitude de ne se mettre en route que lorsque la caravane tout entière avait défilé. Alors, ils parcouraient soigneusement les divers campements et ne manquaient pas de faire profit de tout ce qui avait pu être oublié. Marchant ensuite les derniers, ils avaient encore l'inappréciable avantage de pouvoir ramasser ce que les autres laissaient tomber. Les soldats tartares tenaient une conduite bien différente. On les voyait galoper sans cesse en avant et sur les flancs de la caravane, monter sur les collines et s'enfoncer dans les profondes vallées pour examiner si les brigands n'étaient pas en embuscade. La marche et les mouvements de la caravane s'exécutaient avec assez d'ordre et de précision, surtout dans les commencements. Ordinairement, on partait tous les jours 2 ou 3 heures avant le lever du soleil, afin de pouvoir camper vers midi et donner aux animaux le temps de paître pendant le reste de la journée. Le réveil était annoncé par un coup de canon. Aussitôt, tout le monde se levait. Le feu s'allumait dans toutes les tentes, et pendant que les uns chargeaient les bêtes de somme, les autres faisaient bouillir la marmite et préparaient le thé beurré. On en buvait à la hâte quelques écuellés, on dévorait quelques poignées de tsamba et puis on jetait la tente à bas. Un second coup de canon donnait le signal du départ. Quelques cavaliers expérimentés et chargés de diriger la caravane se mettaient en tête. Ils étaient suivis par les longues files de chameaux, puis venaient les bœufs à longs poils qui s'avançaient par troupes de 200 ou 300 sous la conduite de plusieurs lactos. Les cavaliers n'avaient pas de place fixe. Ils allaient et venaient dans tous les sens, uniquement guidés par leurs caprices. Les cris plaintifs des chameaux, les grognements des bœufs à longs poils, les hennissements des chevaux, les clameurs et les chansons bruyantes des voyageurs, les sifflements aigus que faisaient entendre les lactos pour animer les bêtes de somme, et par-dessus tout, les cloches innombrables qui étaient suspendues au cou des yaks et des chameaux, tout cela produisait un concert immense, indéfinissable, et qui, bien loin de fatiguer, semblait au contraire donner à tout le monde du courage et de l'énergie. La caravane s'en allait ainsi à travers le désert, par troupes et par pelotons, s'arrêtant tous les jours dans les plaines, dans les vallées, au flanc des montagnes, et improvisant avec ses tentes si nombreuses et si variées de formes et de couleurs, des villes et des villages, qui s'évanouissaient le lendemain pour reparaître un instant après sur un plan toujours nouveau. Quel étonnement pour ces vastes et silencieux déserts, de se voir à tout coup traversé par une multitude si grande et si bruyante. En voyant toutes ces tentes de voyage, ces nombreux troupeaux et ces hommes, tour à tour pasteurs et guerriers, nous ne pouvions nous empêcher de penser souvent à la marche des Israélites lorsqu'ils s'en allaient à la recherche de la terre promise à travers les solitudes de Madian. En quittant les bords de la mer bleue, nous nous dirigeâmes vers l'ouest, en inclinant peut-être un peu vers le sud. Les premiers jours de marche ne furent que poésie. Tout allait au gré de nos désirs, le temps était magnifique, la route était belle et facile, l'eau limpide et les pâturages gras et abondants. Quant aux brigands, on n'y songeait même pas. Pendant la nuit, le froid se faisait bien un peu sentir, mais on obviait à cet inconvénient en endossant ses habits de peau. Nous étions, enfin, à nous demander ce que ce fameux voyage du Tibet avait de si épouvantable. Il nous semblait qu'il était impossible de voyager d'une manière plus commode et plus agréable. Hélas, cet enchantement ne fut pas de longue durée. 6 jours après notre départ, il fallut traverser le Puyngol, rivière qui prend sa source au pied des monts Nanshan et va se jeter dans la mer bleue. Ces eaux ne sont pas très profondes, mais étant divisées en 12 embranchements très rapprochés les uns des autres, elles occupent en largeur un espace de plus d'une lieue. Nous eûmes le malheur d'arriver au premier embranchement du Puyngol longtemps avant le jour. L'eau était glacée, mais pas assez profondément pour que la glace pût nous servir de pont. Les chevaux étant arrivés les premiers, furent effrayés et n'osèrent pas avancer. Ils s'arrêtèrent sur les bords et donnèrent aux bœufs à longs poils le temps de les joindre. Bientôt la caravane tout entière se trouva réunie sur un seul point. Il serait impossible d'exprimer le désordre et la confusion qui régnait au milieu de cette immense cohue enveloppée des ténèbres de la nuit. Enfin, plusieurs cavaliers poussèrent leurs chevaux et crevèrent la glace en plusieurs endroits. Alors la caravane entra pêle-mêle dans la rivière. Les animaux se heurtaient et faisaient rejaillir l'eau de toutes parts. La glace craquait, les hommes vociféraient, c'était un tumulte effroyable. Après avoir traversé le premier bras, il fallut recommencer la manœuvre au second, puis au troisième, et ainsi de suite. Quand le jour parut, la sainte ambassade était encore à gargouiller dans l'eau. Enfin, après avoir beaucoup fatigué et beaucoup frissonné, au moral comme au physique, nous eûmes le bonheur de laisser derrière nous les 12 embranchements du Puyngol et de nous trouver en pays sec. Mais toutes nos idées poétiques s'étaient évanouies et nous commencions à trouver cette manière de voyager tout à fait détestable. Et pourtant, tout le monde paraissait être dans la jubilation. On disait que le passage du Puyngol s'était exécuté admirablement bien. Un seul homme s'était cassé les jambes, et il ne s'était noyé que 2 bœufs à longs poils. Pour ce qui est des objets perdus ou volés pendant ce long désordre, on n'en tenait pas compte. Quand la caravane reprit sa marche accoutumée, elle présentait un aspect vraiment risible. Les hommes et les animaux étaient plus ou moins chargés de glaçons, les chevaux s'en allaient tristement, et paraissant fort embarrassés de leur queue, qui pendait tout d'une pièce, raide et immobile, comme si on l'eût faite de plomb et non de crin. Les chameaux avaient la longue bourre de leurs jambes chargée de magnifiques glaçons qui se choquaient les uns les autres avec un bruit harmonieux. Cependant, il était visible que ces jolis ornements étaient peu de leur goût, car ils cherchaient de temps en temps à les faire tomber en frappant rudement la terre de leurs pieds. Les bœufs à longs poils étaient de véritables caricatures. Impossible de se figurer rien de plus drôle. Ils marchaient, les jambes écartées, et portaient péniblement un énorme système de stalactites qu'ils leur pendaient sous le ventre jusqu'à terre. Ces pauvres bêtes étaient si informes et tellement recouvertes de glaçons qu'il semblait qu'on les eût mis confire dans du sucre candi. Pendant les premiers jours de marche, nous nous trouvâmes un peu seuls et isolés au milieu de cette grande multitude. Nous étions sans amis et sans connaissances. Cependant, nous ne tardâmes pas à nous faire des camarades, car pour lier les hommes entre eux, il n'est rien de tel que les voyages. Les compagnons de route que nous nous fîmes, et auprès desquels nous allions tous les jours dresser notre tente, n'étaient ni marchands, ni pèlerins, ni attachés à l'ambassade, ni simples voyageurs comme nous. C'étaient quatre lamas, qui formaient une catégorie à part. Deux d'entre eux étaient de Lhasa, un du Tibet ultérieur, et le quatrième du royaume de Thorgod. Chemin faisant, ils nous racontèrent leur longue et pittoresque histoire, dont nous allons donner ici un raccourci. Les trois lamas tibétains s'étaient faits les disciples d'un grand lama nommé Alter, qui se proposait de bâtir aux environs de Lhasa un temple bouddhique, dont la grandeur et la magnificence surpasseraient tous ceux qui existaient déjà. Un jour, il annonça à ses trois disciples que tous les plans étant arrêtés, il fallait commencer de grandes quêtes pour fournir aux frais énormes du saint édifice. Ils partirent donc tous quatre, le cœur plein de zèle et de dévouement, et dirigèrent d'abord leur marche vers le nord. Ils traversèrent toute l'Asie centrale et s'avancèrent jusqu'au royaume de Thorgod, tout près des frontières russes. Chemin faisant, ils s'arrêtaient dans toutes les lamaseries qu'ils rencontraient et dans toutes les demeures des princes tibétains et tartares. Partout, ils recevaient de grosses offrandes, car outre que l'œuvre était capable d'exciter par elle-même le plus vif intérêt, l'Alter Lama avait des lettres de recommandation du Dalai Lama, du Banchan Rinpoche, et de tous les supérieurs des lamaseries les plus renommées du Tibet. Dans le Thorgod, un riche lama mongol, touché du dévouement de ses intrépides quêteurs, leur offrit tous ses troupeaux et conjura l'Alter Lama de vouloir bien lui permettre de s'adjoindre à eux pour continuer les quêtes dans les pays tartares. L'Alter Lama, de son côté, ému d'un zèle si pur et d'un si grand désintéressement, voulut bien recevoir ses offrandes et l'admettre au nombre de ses disciples. Les lamas quêteurs furent donc au nombre de cinq. Du Thorgod, ils dirigèrent leur marche vers l'est, allant toujours de tribu en tribu, et grossissant dans la route leurs troupeaux de chevaux, de bœufs, de moutons et de chameaux. Ils parvinrent jusqu'au pays des Khalkhas, où ils demeurèrent longtemps à la lamaserie du Grand Kouren, car les offrandes des pèlerins tartares ne tarissaient pas. De là, ils descendirent vers le sud jusqu'à Pékin, où ils convertirent en or et en argent les innombrables bestiaux qu'ils avaient ramassés de toutes parts. Après un long séjour dans la capitale de l'Empire chinois, ils recommencèrent leur course dans les déserts de la Tartarie, et toujours quêtant, toujours recevant des offrandes, ils arrivèrent à Kunboum. Dans cette fameuse et sainte lamaserie, capable d'apprécier le mérite des bons lamas, le zèle et le dévouement des célèbres quêteurs acquirent une renommée colossale. Ils devinrent l'objet de la vénération publique, et les maîtres, jaloux de la perfection de leurs disciples, ne manquaient pas de les leur proposer pour modèle. L'Alter Lama, après 3 ans de course extrêmement méritoire, ne soupirait plus qu'après le moment de retourner à Lhasa et de consacrer à la construction de son temple toutes les riches offrandes qu'il était parvenu à recueillir. Aussi, grande fut sa joie quand il apprit la nouvelle de l'arrivée de l'ambassade tibétaine. Il fut résolu qu'il l'apprendrait à son retour de Pékin et qu'il profiterait de cette bonne occasion pour faire traverser à son or et à son argent le dangereux pays des colos. En attendant, on donnerait tous ses soins à faire les préparatifs de cet important voyage. Mais, hélas, les projets des hommes sont souvent traversés au moment même où ils semblent devoir réussir de la manière la plus triomphante. Un beau jour, arrive à Sinningfu un courrier extraordinaire de l'empereur, portant des dépêches dans lesquelles il est enjoint au grand mandarin de la ville de s'entendre avec le supérieur de la lamazerie de Kunboum et d'empoigner l'alter lama, accusé de se livrer depuis 3 ans à des escroqueries de tout genre au moyen de certaines lettres de recommandation faussement attribuées au Dalai Lama. Il fut fait ainsi qu'il avait été ordonné par Sa Majesté impériale. On comprend quelle dut être la stupéfaction de ce pauvre alter lama, et surtout de ses 4 disciples, qui, dans toute cette affaire, avaient été d'une candeur vraiment admirable. Cette ambassade, sur la protection de laquelle on avait tant compté, avait été chargée par le gouvernement tibétain de chercher à s'emparer du grand quêteur, dont les merveilleux succès avaient été divulgués à Lhassa par les bouches indiscrètes des pèlerins. L'alter lama, ayant été arrêté sans coup férir, fut immédiatement expédié sous bonne escorte pour Lhassa. On lui fit suivre, par la province de Tsechuan, la route des courriers de l'empereur. Arrivé dans la capitale du Tibet, son affaire devait être examinée par ses juges naturels. En attendant, sa prodigieuse recette demeurait confisquée au profit du Dalai Lama, car rien de plus juste que de le mettre en possession de l'or et de l'argent qui avaient été prélevés grâce à la toute-puissante influence de son nom. Pour ce qui est des 4 disciples du grand quêteur, il fut arrêté qu'ils attendraient l'ambassade tibétaine et qu'ils ne s'en retourneraient avec elle, emmenant 58 magnifiques chameaux que s'était procuré l'alter lama et dont le gouvernement tibétain disposerait à leur arrivée à Lhassa. Ces 4 infortunés disciples étaient les camarades de route que notre bonne fortune nous avait fait rencontrer. Le souvenir de leur maître déchu les poursuivait sans cesse, et les sentiments que ce souvenir excitait en eux n'étaient pas toujours les mêmes. Tantôt ils regardaient leur maître comme un saint, et tantôt comme un voleur. Un jour ils prononçaient son nom avec vénération, et en portant leurs mains jointes au front. Un autre jour ils le maudissaient, et crachaient en l'air en signe de mépris. Le lama du Thorgod surtout ne voyait que du bleu dans cette malencontreuse affaire. Il se reprochait parfois d'avoir fait offrande de tous ses troupeaux à un homme qui commençait à avoir passablement toutes les apparences d'un fripon. Cependant, il se consolait facilement de sa duperie, car au bout du compte, elle lui avait fourni l'occasion de courir le monde et de visiter les lamaseries les plus célèbres. Au fond, ces 4 lamas étaient d'excellents jeunes gens et de bons compagnons de voyage. Tous les jours, ils avaient à nous raconter quelques nouvelles particularités de leurs longues aventures, et leurs récits contribuèrent plus d'une fois à nous faire oublier un instant les fatigues et les misères de la route. Une cause permanente des souffrances que nous eûmes à endurer en route fut sans contredit notre proche chamelier, Sharad Chambal. Dès l'abord, ce jeune lama nous avait paru un petit saint, mais dans la suite, nous nous aperçûmes que nous emmenions avec nous un petit diable à face humaine. L'aventure suivante nous ouvrit les yeux sur son compte et nous fit entrevoir tout ce que nous aurions à souffrir de sa présence. Le lendemain du passage du Puingol, après avoir marché pendant une partie de la nuit, nous remarquâmes sur un de nos chameaux 2 gros paquets soigneusement enveloppés et que nous n'avions pas encore vus. Nous pensâmes que quelques voyageurs, n'ayant pu les placer commandément sur ses bêtes de somme, avait prié Sharam Chambal de s'en charger pour la journée. Et là-dessus, nous continuâmes paisiblement notre route, sans plus nous occuper de cette particularité. Quand nous fûmes arrivés au campement, aussitôt qu'on eut mis bas les bagages, nous vîmes avec surprise notre lama des monts Ratchiko prendre ses 2 paquets, les envelopper mystérieusement d'un tapis de feutre, et puis aller les cacher au fond de la tente. Évidemment, cette conduite provoquait des explications. Nous demandâmes à Sharad Chambal quel était ce nouveau bagage qu'on voyait dans la tente. Il s'approcha de nous et nous répondit à voix basse, comme craignant d'être entendu, que pendant la nuit, Bouddha lui avait fait une faveur, qu'il lui avait fait trouver sur le chemin une bonne chose. Puis il ajouta en souriant malicieusement qu'à Lhassa, cette bonne chose se vendrait bien 10 onces d'argent. Ces paroles nous firent froncer le sourcil et nous demandâmes à voir cette bonne chose. Shara Chambal ferma d'abord avec soin la porte de la tente, puis il dépouilla avec émotion sa prétendue trouvaille. C'étaient deux grandes jarres en cuir fondu contenant une espèce d'eau-de-vie qu'on distille dans la province du Kansu et qui se vend assez cher. Sur ces deux jarres, il y avait des caractères tibétains qui indiquaient le nom très connu du propriétaire. Nous eûmes la charité de ne pas nous arrêter à la pensée que Shara Chambal avait volé ces jarres pendant la nuit. Nous aimâmes mieux supposer qu'il les avait ramassées le long du chemin. Mais notre proche chamelier était un casuiste passablement relâché. Il prétendait que ces jarres lui appartenaient, que Bouddha lui en avait fait cadeau, et qu'il ne s'agissait plus que de les cacher avec soin afin que le propriétaire ne les aperçût pas. Essayer de raisonner morale et justice avec un gaillard de cette trempe était peine étant perdue. Nous lui déclarâmes énergiquement que ces jarres n'étant ni à nous ni à lui, nous ne voulions ni les recevoir dans notre tente, ni les placer sur nos chameaux pendant le voyage, que nous n'avions nullement envie d'arriver à Lhassa avec une réputation de voleur. Et afin qu'il prît bien au sérieux ce que nous lui disions, nous ajoutâmes que s'il n'enlevait pas les jarres de notre tente, nous allions à l'instant avertir le propriétaire. Il se trouva un peu ébranlé par ces paroles. Afin d'achever de le déterminer à la restitution, nous lui conseillâmes de porter lui-même sa trouvaille à l'ambassadeur en le priant de la faire remettre à son adresse. Le Chana Kampo ne manquerait pas d'être touché de cette probité. Peut-être lui donnerait-il une récompense, ou du moins, il se souviendrait de lui et pourrait, à Lhassa, lui être de quelque utilité. Après des contestations longues et violentes, ce parti fut adopté. Shara Chambal se présenta au Chana Kampo qui lui dit « Tu es un bon lama. Un lama qui a la justice dans le cœur est agréable aux esprits. » Shara Chambal revint furieux. Il prétendit que nous lui avions fait faire une bêtise et que le Chana Kampo ne lui avait donné que quelques paroles creuses. Dès ce moment, il nous voua une haine implacable. Il ne s'acquitta plus que par boutade du travail qui lui était confié. Il se plut à gaspiller nos provisions de bouche. Tous les jours, il nous abreuva d'outrages et de malédictions, et souvent, sa rage se tournant contre les animaux, il les frappait horriblement sur la tête au risque de les assommer. Renvoyer ce malheureux était chose impossible au milieu du désert. Nous dûmes nous armer de patience et de résignation, éveillés à ne pas irriter davantage ce caractère farouche et indompté. Après 5 jours de marche depuis le passage du Puengol, nous arrivâmes au Tulengol, rivière étroite et peu profonde que nous traversâmes sans obstacle. La caravane s'arrêta ensuite non loin d'une lamazerie qui paraissait avoir été assez florissante mais qui, en ce moment, était entièrement déserte. Les temples et les cellules des lamas tombaient en ruine de toutes parts. Des chauves-souris et des rats énormes en avaient fait leur demeure. On nous dit que ce couvent bouddhique avait été assiégé durant 3 jours par les brigands, qu'il s'en était enfin rendu maître, et qu'après avoir massacré un grand nombre de ses habitants, il l'avait livré au pillage et à la dévastation. Depuis cette époque, aucun lama n'avait plus osé venir s'y fixer. Cependant, le pays n'était pas entièrement désert, comme nous l'avions d'abord pensé. En nous promenant à travers les collines rocheuses des environs, nous découvrîmes quelques troupeaux de chèvres et 3 misérables tentes cachées dans les creux des ravins. Ces pauvres bergers sortirent pour nous demander l'aumône de quelques feuilles de thé et d'un peu de tsamba. Ils avaient les yeux hagards et la figure blême et amaigrie. Ils ne savaient, disaient-ils, où se réfugier pour vivre en paix. La peur des brigands les dominait au point de leur enlever jusqu'au courage même de la fuite. Le lendemain, la caravane continua sa route, mais l'escorte chinoise demeura campée sur les bords de la rivière. Sa tâche était finie. Après quelques jours de repos, elle devait rebrousser chemin et rentrer dans ses foyers. Les marchands tibétains disaient que les soldats chinois, une fois partis, on pourrait du moins dormir en paix, sans avoir à se préoccuper des voleurs de nuit. Le 15 novembre, nous quittâmes les magnifiques plaines de Kukunor et nous arrivâmes chez les Mongols de Tsaidam. Aussitôt, après avoir traversé la rivière de ce nom, le pays change brusquement d'aspect. La nature est triste et sauvage. Le terrain, aride et pierreux, semble porter avec peine quelques broussailles desséchées et imprégnées de salpêtre. La teinte morose et mélancolique de ces tristes contrées semble avoir influé sur le caractère de ses habitants qui ont tous l'air d'avoir le spleen. Ils parlent très peu, et leur langage est si rude et si guttural que les Mongols étrangers ont souvent de la peine à les comprendre. Le selgem et le borax abondent sur ce sol aride et presque entièrement dépourvu de bons pâturages. On pratique des creux de 2 ou 3 pieds de profondeur, et le sel s'y rassemble, se cristallise et se purifie de lui-même sans que les hommes aient le moins du monde à s'en occuper. Le borax se recueille dans de petits réservoirs qui en sont entièrement remplis. Les Tibétains en emportent dans leur pays pour le vendre aux orfèvres qui s'en servent pour faciliter la fusion des métaux. Nous nous arrêtâmes pendant 2 jours dans le pays des Tsaïdam. On fit bombance avec du tsambay et quelques chèvres que les bergers nous troquèrent contre du thé en briques. Les bœufs à long poil et les chameaux se régalèrent avec du nitre et du sel qu'ils trouvaient partout à fleur de terre. La caravane tout entière chercha à ramasser le plus de force possible pour franchir le Buran Bota, montagne fameuse par les vapeurs pestilentielles dont elle est, dit-on, continuellement enveloppée. Nous nous mîmes en marche à 3 heures du matin, et après beaucoup de circuits et de détours dans cette contrée montueuse, nous arrivâmes à 9 heures au pied du Buran Bota. La caravane s'arrêta un instant, comme pour consulter ses forces. On mesurait de l'œil les sentiers abrupts et escarpés de cette haute montagne. On se montrait avec anxiété un gaz subtil et léger, qu'on nommait vapeur pestilentielle, et tout le monde paraissait abattu et découragé. Après avoir pris les mesures hygiéniques enseignées par la tradition, et qui consistent à croquer 2 ou 3 gousses d'ail, on commence enfin à grimper sur les flancs de la montagne. Bientôt les chevaux se refusent à porter leurs cavaliers, et chacun avance à pied et à petits pas. Insensiblement, tous les visages blêmissent, on sent le cœur s'affadir, et les jambes ne peuvent plus fonctionner. On se couche par terre, puis on se relève pour faire encore quelques pas. On se couche de nouveau, et c'est de cette façon déplorable qu'on gravit ce fameux Buran Bota. Mon Dieu, quelle misère! On sent ses forces brisées, la tête tourne, tous les membres semblent se disjoindre, on éprouve un malaise tout à fait semblable au mal de mer. Et malgré cela, il faut conserver assez d'énergie, non seulement pour se traîner soi-même, mais encore pour frapper à coups redoublés les animaux qui se couchent à chaque pas et refusent d'avancer. Une partie de la troupe, par mesure de prudence, s'arrêta à moitié chemin dans un enfoncement de la montagne où les vapeurs pestilentielles étaient, disait-on, moins épaisses. Le reste, par prudence aussi, épuisa tous ses efforts pour arriver jusqu'au bout et ne pas mourir asphyxié au milieu de cet air chargé d'acide carbonique. Nous fûmes de ceux qui franchirent le Buran Bota d'un seul coup. Quand nous fûmes arrivés au sommet, nos poumons se dilatèrent enfin à leur aise. Descendre la montagne ne fut qu'un jeu, et nous pûmes aller dresser notre tente loin de cet air meurtrier que nous avions laissé de l'autre côté. La montagne au Buran Bota présente cette particularité assez remarquable, c'est que ce gaz délétère ne se trouve que sur la partie qui regarde l'est et le nord. De l'autre côté, l'air est pur et facilement respirable. Il paraît que ces vapeurs pestilentielles ne sont autre chose que du gaz acide carbonique. Les gens attachés à l'ambassade nous dirent que lorsqu'il faisait du vent, les vapeurs se faisaient à peine sentir, mais qu'elles étaient très dangereuses lorsque le temps était calme et serein. Le gaz acide carbonique étant, comme on sait, plus pesant que l'air atmosphérique, doit se condenser à la surface du sol et y demeurer fixé jusqu'à ce qu'une grande agitation de l'air vienne le mettre en mouvement, le disséminer dans l'atmosphère et neutraliser ses effets. Quand nous franchîmes le Buran Bota, le temps était assez calme. Nous remarquâmes que lorsque nous nous couchions par terre, nous respirions avec beaucoup de difficulté. Si, au contraire, nous montions à cheval, l'influence du gaz se faisait à peine sentir. La présence de l'acide carbonique était cause qu'il était très difficile d'allumer le feu. Les argoles brûlaient sans flamme et en répandant beaucoup de fumée. Maintenant, dire de quelle manière se formait ce gaz, d'où il venait, c'est ce qui nous est impossible. Nous ajouterons seulement, pour ceux qui aiment à chercher des explications dans le nom même des choses, que Buran Bota signifie « cuisine de Buran ». Buran, comme on sait, est synonyme de Bouddha. Pendant la nuit que nous passâmes de l'autre côté de la montagne, il tomba une épouvantable quantité de neige. Ceux qui la veille n'avaient pas osé continuer la route, vinrent nous rejoindre dans la matinée. Ils nous annoncèrent qu'ils avaient achevé l'ascension de la montagne avec assez de facilité parce que la neige avait fait disparaître les vapeurs. Le passage du Burhan Bhutto n'avait été qu'une espèce d'apprentissage. Quelques jours après, le mont Shuga mit bien autrement à l'épreuve nos forces et notre courage. La marche devant être longue et pénible, le coup de canon, qui était le signal ordinaire du départ, se fit entendre à 1 heure après minuit. On fit du thé avec de la neige fondue. On prit un bon repas de tsamba, assaisonné d'une gousse d'ail hachée menue, et on se mit en route. Quand la grande caravane commença à s'ébranler, le ciel était pur, et la lune resplendissante faisait briller le grand tapis de neige dont le pays était entièrement couvert. Le mont Shuga étant peu escarpé du côté que nous gravissions, nous pûmes arriver au sommet au moment où l'aube commençait à blanchir. Le ciel se chargea bientôt de nuages, et le vent se mit à souffler avec une violence qui alla toujours croissant. Les flancs opposés de la montagne étaient tellement encombrés de neige que les animaux en avaient jusqu'au ventre. Ils n'avançaient que par secousses et par soubresauts, et souvent, ils allaient se précipiter dans des gouffres dont on ne pouvait les retirer. Il en périt ainsi plusieurs. Nous marchâmes à l'encontre d'un vent si fort et si glacial que la respiration se trouvait parfois arrêtée et que malgré nos bonnes fourrures, nous tremblions à chaque instant d'être tués par le froid. Afin d'éviter les tourbillons de neige que le vent nous lançait continuellement à la figure, nous suivîmes l'exemple de quelques voyageurs qui étaient montés à rebours sur leur cheval, le laissant ensuite aller au gré de son instinct. Lorsqu'on fut arrivé au pied de la montagne et qu'il fut permis d'avoir les yeux à l'abri du vent, on remarqua plus d'une figure gelée. M. Gabet eut à déplorer la mort passagère de son nez et de ses oreilles. Tout le monde eut la peau plus ou moins gercée et brûlée par le froid. La caravane s'arrêta au pied du mont Shuga et chacun alla chercher un abri dans le labyrinthe d'un grand nombre de gorges contiguës. Exténués de faim et perclus de tous nos membres, il nous eût fallu pour nous restaurer une hôtellerie avec un bon feu, une table bien servie et un lit chaudement bassiné. Mais le Shuga est loin d'avoir tout le confortable des Alpes. Les religieux bouddhistes n'ont pas eu encore la pensée de s'y établir pour venir au secours des pauvres voyageurs. Nous dûmes donc dresser notre tente au milieu de la neige et puis aller à la découverte des argoles. C'était un spectacle vraiment digne de pitié que de voir cette multitude errant de toutes parts et fouillant avec ardeur dans la neige dans l'espoir d'y trouver ensevelies quelques vieilles bouses de bœuf. Après de longues et pénibles recherches, nous eûmes tout juste ce qu'il fallait de chauffage pour faire fondre 3 gros morceaux de glace que nous fûmes obligés d'extraire à grands coups de hache d'un étang voisin. Notre feu n'étant pas assez ardent pour faire bouillir la marmite, nous dûmes nous contenter de pétrir notre tsamba dans de l'eau tiède et de l'avaler à la hâte, de peur de le voir se glacer entre nos doigts. Ce fut là tout le souper que nous eûmes après cette affreuse journée. Nous nous roulâmes ensuite dans notre peau de bouc et dans nos couvertures, et nous attendîmes, blottis dans un coin de la tente, le coup de canon qui devait nous faire reprendre le cours de nos impressions de voyage. Nous laissâmes dans ce campement pittoresque et enchanté les soldats tartares qui nous avaient escortés depuis notre départ de Koukounor. Ils ne pouvaient nous continuer plus loin leur généreuse protection, car le jour même, nous allions quitter la Tartarie pour entrer dans le territoire du Tibet antérieur. Les soldats chinois et tartares, une fois partis, l'ambassade n'avait plus à compter que sur les ressources de sa valeur intrinsèque. Comme nous l'avons déjà dit, cette grande troupe de 2000 hommes était complètement armée, et tout le monde, à quelques exceptions près, se promettait bien d'agir au besoin en bon soldat. Mais il faut avouer que l'allure naguère si intrépide et si guerrière de la caravane s'était singulièrement modifiée depuis le passage du Burhan Bhutto. On ne chantait plus, on ne riait plus, on ne faisait plus caracoler les chevaux, on était morne et taciturne. Toutes ces moustaches fièrement redressées au moment du départ étaient très humblement cachées dans des peaux d'agneau dont on avait soin de s'envelopper la figure jusqu'aux yeux. Tous ces braves militaires avaient fait de leurs lances, de leurs fusils, de leurs sabres et de leurs carquois des paquets qu'ils donnaient à porter à leurs bêtes de somme. Au reste, on ne pensait guère au danger d'être égorgé par les brigands. On avait peur que de mourir de froid. Ce fut au mont Shuga que commença sérieusement la longue série de nos misères. La neige, le vent et le froid se déchaînèrent sur nous avec une fureur qui alla croissant de jour en jour. Les déserts du Tibet sont, sans contredit, le pays le plus affreux qu'on puisse imaginer. Le sol allant toujours en s'élevant, la végétation diminuait à mesure que nous avancions, et le froid prenait une intensité effrayante. Dès lors, la mort commença à planer sur la pauvre caravane. Le manque d'eau et de pâturage ruina promptement les forces des animaux. Tous les jours, on était obligé d'abandonner des bêtes de somme qui ne pouvaient plus se traîner. Le tour des hommes vint un peu plus tard. L'aspect de la route nous présageait un bien triste avenir. Nous cheminions depuis quelques jours comme au milieu des excavations d'un vaste cimetière. Les ossements humains et les carcasses d'animaux qu'on rencontrait à chaque pas semblaient nous avertir que sur cette terre meurtrière et au milieu de cette nature sauvage, les caravanes qui nous avaient précédés n'avaient pas eu un sort meilleur que le nôtre. Pour surcroît d'infortune, M. Gabet tomba malade. La santé commença à l'abandonner au moment même où les affreuses difficultés de la route semblaient exiger un redoublement d'énergie et de courage. Le froid excessif qu'il avait enduré au passage du mont Chouga avait entièrement brisé ses forces. Il lui eut fallu, pour reprendre sa vigueur première, du repos, des boissons toniques et une nourriture substantielle et fortifiante. Or, nous n'avions à lui donner que de la farine d'orge et du thé fait avec de l'eau de neige. De plus, il devait, malgré son extrême faiblesse, monter tous les jours à cheval et lutter contre un climat de fer. Et nous avions encore 2 mois de route à faire, au plus fort de l'hiver. Oh, que l'avenir était sombre! Vers les premiers jours de décembre, nous arrivâmes en présence du Bayan Karat, fameuse chaîne de montagnes, qui va se prolongeant du sud-est au nord-ouest, entre l'Hoang-Ho et le Kinchakiang. Ces deux grands fleuves, après avoir roulé parallèlement leurs ondes des deux côtés de Bayan Karat, se séparent ensuite et prennent une direction opposée, l'un vers le nord et l'autre vers le sud. Après 1000 détours capricieux dans la Tartarie et dans le Tibet, ils entrent tous les deux dans l'Empire chinois, et après l'avoir arrosé d'Occident en Orient, ils se rapprochent, à mesure qu'ils avancent vers leur embouchure, et se jettent dans la mer jaune, à peu de distance l'un de l'autre. L'endroit où nous franchîmes le Bayan Karat n'est pas très éloigné des sources du fleuve jaune. Nous les avions à notre gauche, et il nous eût fallu tout au plus 2 journées de marche pour aller les visiter. Mais ce n'était nullement la saison des parties de plaisir. Nous étions loin de songer à une excursion de touristes aux sources du fleuve jaune. Pour le moment, le passage du Bayan Karat avait de quoi nous préoccuper suffisamment. Du pied jusqu'à la cime, la montagne était complètement enveloppée d'une épaisse couche de neige. Avant d'en entreprendre l'ascension, les principaux membres de l'ambassade tinrent conseil. On délibérait, non pour savoir si l'on franchirait ou non la montagne, puisqu'on voulait arriver à Lhasa, il fallait absolument passer par là. Il n'était pas non plus question de savoir si on attendrait ou non la fonte des neiges, mais on débattait les avantages qu'il y aurait d'effectuer l'ascension le jour même ou d'attendre au lendemain. La crainte des avalanches dominait tous les esprits, et l'on eût voulu avoir une assurance contre le vent. À l'exemple de tous les conseils du monde, le conseil de l'ambassade tibétaine fut bientôt divisé en 2 parties. Les uns dirent qu'il fallait partir le jour même, les autres soutinrent qu'il serait mieux d'attendre au lendemain. Pour se tirer d'embarras, on eut recours au lama qui avait quelque réputation de savoir deviner. Mais cet expédient ne réussit pas à ramener les esprits à l'unité. Parmi les devins, il y en eut qui prétendirent que la journée serait calme et que le lendemain, on aurait un vent épouvantable. Il y en eut d'autres qui assurèrent tout à fait le contraire. La caravane se trouva dès lors divisée en 2 camps, celui du mouvement et celui de la résistance, ou en d'autres termes, il y eut les progressifs et les stationnaires. On comprend qu'en notre qualité de citoyen français, nous nous rangeâmes instinctivement du côté des progressifs, c'est-à-dire de ceux qui voulaient marcher, et en finir le plus tôt possible avec cette fâcheuse montagne. Il nous parut au reste que la logique était en faveur de notre parti. Le temps était présentement calme et nous ne savions pas ce qu'il serait le lendemain. Nous nous mîmes donc à escalader ces montagnes de neige, quelquefois à cheval et souvent à pied. Dans ce dernier cas, nous faisions passer devant nous nos animaux et nous nous cramponnions à leur queue. Ce moyen est sans contredit le moins fatigant qu'on puisse imaginer pour gravir des montagnes. M. Gabet souffrit horriblement, mais enfin, Dieu, dans sa bonté infinie, nous donna assez de force et de courage pour arriver jusqu'au bout. Le temps fut constamment calme et nous ne fûmes écrasés par aucune espèce d'avalanche. Le lendemain, dès la pointe du jour, le parti stationnaire se mit en marche et traversa la montagne avec succès. Comme nous avions eu l'honnêteté de l'attendre, il se joignit à nous et nous entrâmes ensemble dans une vallée dont la température n'était pas excessivement rigoureuse. La bonté des pâturages engagèrent la caravane à y prendre un jour de repos. Un lac profond où nous creusâmes des puits dans la glace nous fournit de l'eau en abondance. Le chauffage ne nous manqua pas non plus, car les ambassades et les pèlerins, ayant l'habitude de s'arrêter dans cette vallée après le passage du Bayan Karat, on est toujours sûr d'y trouver une grande quantité d'argol. Les grands feux ne discontinuèrent pas un seul instant. Nous brûlâmes tout, sans scrupule et sans crainte de faire tort à nos successeurs. Nos 15 000 bœufs à longs poils étaient chargés de combler le déficit. Nous quittâmes la grande vallée de Bayan Karat pour aller dresser notre tente sur les bords du Murui Oussou. Vers sa source, ce fleuve magnifique porte le nom de Murui Oussou, l'eau tortueuse. Plus bas, il s'appelle Kinshakyang, fleuve au sable d'or. Arrivé dans la province du Sichuan, c'est le fameux Yangtzekiang, ou fleuve bleu. Au moment où nous passâmes le Murui Oussou sur la glace, un spectacle assez bizarre s'offrit à nos yeux. Déjà, nous avions remarqué de loin, pendant que nous étions au campement, des objets informes et noirâtres rangés en file en travers de ce grand fleuve. Nous avions beau nous rapprocher de ces îlots fantastiques, leur forme ne se dessinait pas d'une manière plus nette et plus claire. Ce fut seulement quand nous fûmes tout près que nous pûmes reconnaître plus de 50 bœufs sauvages incrustés dans la glace. Ils avaient voulu sans doute traverser le fleuve à la nage au moment de la concrétion des eaux. Ils s'étaient trouvés pris par les glaçons sans avoir la force de s'en débarrasser et de continuer leur route. Leurs belles bêtes, surmontées de grandes cornes, étaient encore à découvert, mais le reste du corps était pris dans la glace, qui était si transparente qu'on pouvait distinguer facilement la position de ces imprudentes bêtes. On eût dit qu'elles étaient encore à nager. Les aigles et les corbeaux leur avaient arraché les yeux. On rencontre fréquemment des bœufs sauvages dans les déserts du Tibet antérieur. Ils vont toujours par troupes nombreuses et se plaisent sur les sommets des montagnes. Pendant l'été, ils descendent dans les vallées pour se désaltérer aux ruisseaux et aux étangs, mais pendant la longue saison de l'hiver, ils restent sur les hauteurs et se contentent de manger de la neige et quelques herbes d'une extrême dureté. Ces animaux sont d'une grosseur démesurée, leur poil est long et noir, ils sont surtout remarquables par la grandeur et la forme superbe de leurs cornes. Il n'est pas prudent de leur faire la chasse, car on les dit extrêmement féroces. Quand on en trouve quelques-uns qui se sont isolés des troupeaux, on peut se hasarder à les mitrailler, mais il faut que les chasseurs soient en grand nombre pour bien assurer leur coup. S'ils ne tuent pas le bœuf, il y a grand risque qu'ils ne courent sur eux et ne les mettent en pièces. Un jour, nous aperçûmes un de ces bœufs qui s'amusait à lécher du nitre dans une petite enceinte entourée de rochers. 8 hommes, armés de fusils à mèche, se détachèrent de la caravane et allèrent se poster en embuscade sans que le bœuf les aperçût. 8 coups de fusil partirent à la fois. Le bœuf leva la tête, regarda avec des yeux enflammés d'où partaient les coups, puis il s'échappa au grand galop et se mit à bondir dans la plaine en poussant des mugissements affreux. On prétendit qu'il avait été blessé, mais qu'effrayé à la vue de la caravane, il n'avait pas osé se précipiter sur les chasseurs. Les mulets sauvages sont aussi très nombreux dans le Tibet antérieur. Quand nous eûmes traversé le Murui Oussou, nous en rencontrâmes presque tous les jours. Cet animal, que les naturalistes ont nommé cheval émion ou cheval demi-âne, a la grandeur d'un mulet ordinaire. Mais il a le corps plus beau, son attitude est plus gracieuse et ses mouvements sont plus légers. Son poil est sur le dos de couleur rousse, puis il va, s'éclaircissant insensiblement jusque sous le ventre, où il est presque blanc. Les émions ont la tête grosse, disgracieuse, et nullement en rapport avec l'élégance de leur corps. Ils marchent la tête haute et portent droite leurs longues oreilles. Quand ils galopent, ils tournent la tête au vent et relèvent leur queue qui ressemble entièrement à celle des mulets. Le hennissement qu'ils font entendre est vibrant, clair et sonore. Ils sont d'une si grande agilité qu'il est impossible aux cavaliers tartares ou tibétains de les atteindre à la course. Quand on veut les prendre, on se met en embuscade vers les endroits qui conduisent au ruisseau où ils vont se désaltérer, et alors on les tue à coups de flèche ou de fusil. Leur chair est excellente et leurs peaux servent à faire des bottes. Les chevaux de Mian sont féconds et se reproduisent en perpétuant l'espèce, qui demeure toujours inaltérable. On n'a jamais pu encore les plier à la domesticité. On nous a dit qu'on en avait pris de tout jeunes, qu'on avait essayé de les élever avec d'autres poulains, mais qu'il avait toujours été impossible de les monter et de les accoutumer à porter des fardeaux. Aussitôt qu'on les laissait libres, ils s'échappaient et rentraient dans l'état sauvage. Nous n'avons pas remarqué pourtant que leur caractère fût extrêmement farouche. Nous les avons vus folâtrer quelquefois avec les chevaux de la caravane qui paissaient aux environs du campement. Mais à l'approche de l'homme, qu'ils distinguent et sentent de fort loin, ils prenaient aussitôt la fuite. Les lynx, les chamois, les rennes et les bouquetins abondent dans le Tibet antérieur. Quelques jours après le passage du Murui Usu, la caravane commença à se débander. Ceux qui avaient des chameaux voulurent prendre les devants, de peur d'être trop retardés par la marche lente des bœufs à longs poils. D'ailleurs, la nature du pays ne permettait plus à une aussi grande troupe de camper dans le même endroit. Les pâturages devenaient si rares et si maigres que les bestiaux de la caravane ne pouvaient aller tous ensemble sous peine de mourir de faim. Nous nous joignîmes à ceux qui avaient des chameaux et nous laissâmes derrière nous les bœufs à longs poils. Notre bande fut encore obligée, dans la suite, de se fractionner. La grande unité étant une fois rompue, il se forma une foule de petits chefs de caravane qui ne s'entendaient pas toujours sur les lieux où il fallait camper ni sur les heures du départ. Nous arrivions insensiblement vers le point le plus élevé de la Haute Asie lorsqu'un terrible vent du nord, qui dura pendant 15 jours, vint se joindre à l'affreuse rigueur de la température et nous menaçait des plus grands malheurs. Le temps était toujours pur, mais le froid était si épouvantable qu'à peine à midi pouvait-on ressentir un peu l'influence des rayons du soleil. Encore fallait-il avoir soin de se mettre bien à l'abri du vent. Pendant le reste de la journée et surtout pendant la nuit, nous étions dans l'appréhension continuelle de mourir gelés. Tout le monde eut bientôt la figure et les mains crevassées. Pour donner une certaine idée de ce froid, dont il est impossible de bien comprendre la rigueur, à moins d'en avoir éprouvé les effets, il suffira de citer une particularité qui nous paraît assez frappante. Tous les matins, avant de se mettre en route, on prenait un repas et puis on ne mangeait que le soir lorsqu'on était arrivé au campement. Comme le tsamba n'était pas un mets assez appétissant, pour que nous puissions en manger tout d'un coup une quantité suffisante pour nous soutenir durant la route, nous avions soin d'en pétrir dans du thé 3 ou 4 boules que nous mettions en réserve pour la journée. Nous enveloppions cette pâte bouillante dans un linge bien chaud et nous la placions sur notre poitrine. Nous avions par-dessus tous nos habits, savoir une robe en grosse peau de mouton, puis un gilet en peau d'agneau, puis un manteau court en peau de renard, puis enfin une grande casaque en laine. Eh bien, durant ces 15 jours, nos gâteaux de tsamba se sont toujours gelés. Quand nous les retirions de notre sein, ce n'était plus qu'un mastic glacé qu'il fallait pourtant dévorer au risque de se casser les dents si nous ne voulions pas mourir de faim. Les animaux, accablés de fatigue et de privation, ne résistaient plus que difficilement à un froid aussi rigoureux. Les mulets et les chevaux, étant moins vigoureux que les chameaux et les bœufs à longs poils, réclamèrent des soins extraordinaires. On fut obligé de les habiller avec de grands tapis de feutre qu'on leur ficelait autour du corps et de leur envelopper la tête avec du poil de chameau. Dans d'autres circonstances, tous ces bizarres accoutrements eussent excité notre hilarité, mais nous étions trop malheureux pour rire. Malgré toutes ces précautions, les animaux de la caravane furent décimés par la mort. Les nombreuses rivières que nous avions à passer sur la glace était encore un inconcevable sujet de misère et de fatigue. Les chameaux sont si maladroits, ils ont la marche si lourde et si pesante, que pour faciliter leur passage, nous étions obligés de leur tracer un chemin en semant sur la rivière du sable et de la poussière ou en brisant avec nos haches la première couche de glace. Après cela, il fallait prendre les chameaux les uns après les autres et les guider avec soin sur la bonne route. S'ils avaient le malheur de faire un faux pas et de glisser, c'était fini. Ils se jetaient lourdement à terre et on avait toutes les peines du monde à les faire relever. Il fallait d'abord les décharger de leurs bagages, puis on les traînait sur les flancs jusqu'au bord de la rivière où l'on étendait des tapis sur la glace. Quelquefois même, tout cela était inutile. On avait beau les frapper, les tirailler, ils ne se donnaient pas même la peine de faire un effort pour se relever. On était alors forcé de les abandonner, car on ne pouvait s'arrêter dans cet affreux pays pour attendre qu'il prît fantaisie un chameau de se remettre sur ses jambes. Tant de misères réunies finirent par jeter les pauvres voyageurs dans un abattement voisin du désespoir. À la mortalité des animaux se joignit celle des hommes, que le froid saisissait et qu'on abandonnait encore vivants le long du chemin. Un jour que l'épuisement de nos bêtes de somme nous avait forcés de ralentir notre marche et de rester un peu en arrière de la troupe, nous aperçûmes un voyageur assis à l'écart sur une grosse pierre. Il avait la tête penchée sur sa poitrine, les bras pressés contre les flancs, et demeurait immobile comme une statue. Nous l'appelâmes à plusieurs reprises, mais il ne nous répondit pas, il ne témoigna pas même, par le plus petit mouvement qu'il eût entendu notre voix. « Quelle folie, nous disions-nous, de s'arrêter ainsi en route avec un temps pareil. Ce malheureux va certainement mourir de froid. » Nous l'appelâmes encore, mais il garda toujours la même immobilité. Nous descendîmes de cheval et nous allâmes vers lui. Nous reconnûmes un jeune lama mongol qui était venu souvent nous visiter dans notre tente. Sa figure était comme de la cire, et ses yeux entr'ouverts avaient une apparence vitreuse. Il avait des glaçons suspendus aux narines et au coin de la bouche. Nous lui adressâmes la parole sans pouvoir obtenir un seul mot de réponse. Un instant, nous le crûmes mort. Cependant, il ouvrit les yeux et les fixa sur nous avec une horrible expression de stupidité. Ce malheureux était gelé et nous comprîmes qu'il avait été abandonné par ses compagnons. Il nous parut si épouvantable de laisser ainsi mourir un homme sans essayer de lui sauver la vie que nous ne balançâmes point à le prendre avec nous. Nous l'arrachâmes de dessus cette affreuse pierre où on l'avait mis et nous le plaçâmes sur le petit mulet de Samda Chemba. Nous l'enveloppâmes d'une couverture et nous le conduisîmes ainsi jusqu'au campement. Aussitôt que la tente fut dressée, nous allâmes visiter les compagnons de ce pauvre jeune homme. Quand ils surent ce que nous avions fait, ils se prosternèrent pour nous remercier. Ils nous dirent que nous avions un cœur excellent, mais que nous nous étions donné en vain une grande peine, que le malade était perdu. « Il est gelé, nous dirent-ils, et le froid est bien près de gagner le cœur. » Il nous fut impossible de partager le désespoir de ces voyageurs. Nous retournâmes à notre tente, et l'un d'eux nous accompagna pour voir si l'état du malade offrait encore quelques ressources. Quand nous arrivâmes, le jeune lama était mort. Plus de 40 hommes de la caravane furent abandonnés encore vivants dans le désert, sans qu'il fût possible de leur donner le moindre soulagement. On les faisait aller à cheval ou à chameau tant qu'il y avait quelque espérance, mais quand ils ne pouvaient ni manger, ni parler, ni se soutenir, on les exposait sur la route. On ne pouvait s'arrêter pour les soigner dans un désert inhabité, où l'on avait à redouter les bêtes féroces, les brigands et surtout le manque de vivres. Ah, quel spectacle affreux de voir ces hommes mourants, abandonnés le long du chemin. Pour dernière marque d'intérêt, on déposait à côté d'eux une écuelle en bois et un petit sac de farine d'orge. Ensuite, la caravane continuait tristement sa route. Quand tout le monde était passé, les corbeaux et les vautours qui tournoyaient sans cesse dans les airs s'abattaient sur ces infortunés qui, sans doute, avait encore assez de vie pour se sentir déchiré par ces oiseaux de proie. Les vents du nord aggravèrent beaucoup la maladie de M. Gabet. De jour en jour, son état devenait plus alarmant. Sa grande faiblesse ne lui permettant pas d'aller à pied, et ne pouvant ainsi se donner un peu d'exercice pour se réchauffer, il eut les pieds, les mains et la figure gelée. Ses lèvres étaient déjà livides et ses yeux presque éteints. Bientôt, il n'eut plus même la force de se soutenir à cheval. Nous n'eûmes d'autre moyen que de l'envelopper dans des couvertures, de ficeler le tout sur un chameau, puis de mettre notre confiance en la bonté de la divine providence. Un jour que nous suivions les sinuosités d'un ballon, le cœur oppressé par de tristes pensées, voilà que tout à coup nous voyons apparaître deux cavaliers sur la cime des montagnes environnantes. En ce moment, nous allions de compagnie avec une petite troupe de marchands tibétains qui, comme nous, avait laissé passer en avant le gros de la caravane, de peur de fatiguer les chameaux par une marche trop précipitée. « Tsongkhapa ! » s'écrièrent les Tibétains. « Voilà là-bas des cavaliers !»« Cependant, nous sommes dans le désert. On sait qu'il n'y a pas ici de pasteurs de troupeaux. » Ils avaient à peine prononcé ces paroles que nous aperçûmes un grand nombre d'autres cavaliers apparaître encore sur divers points. Nous ne pûmes nous empêcher d'éprouver un frémissement subit en les voyant se précipiter tous ensemble du haut des montagnes et courir vers nous avec impétuosité. Dans ce pays inhabité, que faisaient ces cavaliers? Que voulaient-ils? Nous ne doutâmes pas un instant que nous ne fussions tombés entre les mains des brigands. Leur allure, d'ailleurs, n'était nullement propre à nous rassurer. Un fusil en bandoulière, deux grands sabres suspendus de chaque côté de la ceinture, des cheveux noirs qui tombaient en longues mèches sur leurs épaules, des yeux flamboyants et une peau de loup sur la tête en guise de bonnet, tel était l'effrayant portrait des personnages dont nous étions environnés. Ils étaient au nombre de 27, et de notre côté, nous n'étions que 18, et probablement pas tous des guerriers bien éprouvés. On mit pied à terre de part et d'autre, et un courageux Tibétain de notre petite bande s'avança pour parler au chef des brigands, qu'on distinguait à deux petits drapeaux rouges qui flottaient derrière la selle de son cheval. Après une longue conversation assez animée, « Quel est cet homme ?» dit le chef des colos, en indiquant M. Gabet qui, attaché sur son chameau, était le seul qui n'eût pas mis pied à terre. « C'est un grand lama du ciel d'Occident, » répondit le marchand tibétain. « La puissance de ses prières est infinie. » Le colo porta ses deux mains jointes au front et considéra M. Gabet, qui, avec sa figure gelée et son bizarre entourage de couverture bariolée, ne ressemblait pas mal à ces idoles terribles qu'on rencontre parfois dans les temples païens. Après avoir contemplé un instant le fameux lama du ciel d'Occident, le brigand adressa quelques paroles, à voix basse, au marchand tibétain. Puis, ayant fait un signe à ses compagnons, ils sautèrent tous à cheval, partirent au grand galop et disparurent derrière les montagnes. « N'allons pas plus loin, » nous dit le marchand tibétain. « Dressons ici notre tente. Les colos sont des brigands, mais ils ont le cœur grand et généreux. Quand ils verront que nous restons sans peur entre leurs mains, ils ne nous attaqueront pas. D'ailleurs, » ajouta-t-il, « je crois qu'ils redoutent beaucoup la puissance des lamas du ciel d'Occident. » Sur l'avis du marchand, tout le monde se mit en devoir de camper. Les tentes furent à peine dressées que les colos reparurent sur la crête de la montagne. Ils coururent de nouveau vers nous avec leur rapidité accoutumée. Le chef entra seul dans le camp. Les autres attendirent un peu en dehors de l'enceinte. Le colo s'adressa au Tibétain qui lui avait parlé la première fois. « Je viens, lui dit-il, te demander l'explication d'une chose que je ne comprends pas. Vous savez que nous campons derrière cette montagne et vous osez dresser votre tente ici, tout près de nous ? Combien donc êtes-vous d'hommes dans votre bande ? Nous ne sommes que 18. Vous autres, si je ne me trompe, vous êtes 27. Mais les gens de cœur ne prennent jamais la fuite. Vous voulez donc vous battre ? Si nous n'avions pas plusieurs malades dans la caravane, je répondrais oui, car j'ai déjà fait mes preuves avec les colos. Toi, tu t'es battu avec les colos, à quelle époque ? Comment t'appelles-tu ? Il y a 5 ans, lors de l'affaire du Chanakampo, voici encore un souvenir. Et il découvrit son bras droit marqué d'une large entaille de sabre. Le brigand se mit à rire et lui demanda de nouveau son nom. « Je m'appelle Rala Chembe, » répondit le marchand. « Tu dois connaître ce nom. » Et en disant ces mots, il sauta en bas de son cheval. Il tira un sabre de sa ceinture et l'offrit au Tibétain. « Tiens, » lui dit-il, « reçois ce sabre. C'est le meilleur que j'ai. Nous nous sommes battus assez souvent. À l'avenir, quand nous nous rencontrerons, nous devons nous traiter en frères. » Le Tibétain reçut le cadeau du chef de brigand et lui offrit en retour un arc et un carquois magnifique qu'il avait acheté à Pékin. Les colos qui étaient restés hors du camp, voyant que leur maître avait fraternisé avec le chef de la caravane, mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux deux à deux par la bride et vinrent boire amicalement le thé avec les pauvres voyageurs qui commençaient enfin à respirer à leur aise. Tous ces brigands furent extrêmement aimables. Ils demandèrent des nouvelles des Tartares Calcas qu'ils attendaient spécialement, disait-il, parce que l'année précédente, il leur avait tué 3 hommes qu'il fallait venger. On fit aussi un peu de politique. Les brigands prétendirent qu'ils étaient grands amis du Dalai Lama et ennemis irréconciliables de l'empereur de Chine, qu'à cause de cela, ils manquaient rarement de piller l'ambassade quand elle se rendait à Pékin, parce que l'empereur était indigne de recevoir les présents du Dalai Lama, parce qu'il la respectait ordinairement à son retour, parce qu'il était très convenable que l'empereur fît des cadeaux au Dalai Lama. Après avoir fait honneur au thé et au tsamba de la caravane, ces brigands nous souhaitèrent bon voyage et reprirent le chemin de leur campement. Toutes ces fraternelles manifestations ne nous empêchèrent pas de dormir avec un œil ouvert. La nuit ne fut pas troublée, et le lendemain nous continuâmes en paix notre route. Parmi les nombreux pèlerins qui ont fait le voyage de Lhassa, il en est fort peu qui puissent se vanter d'avoir vu les brigands de si près, sans en avoir reçu aucun mal. Nous venions d'échapper à un grand danger, mais il s'en préparait un autre, nous disait-on, bien plus formidable encore, quoique d'une nature différente. Nous commencions à gravir la vaste chaîne des monts Tantla. Au dire de nos compagnons de voyage, tous les malades devaient mourir sur le plateau et les bien portants y enduraient une forte crise. M. Gabet fut irrévocablement condamné à mort par les gens d'expérience. Après 6 jours de pénible ascension sur les flancs de plusieurs montagnes, placées comme en amphithéâtre les unes au-dessus des autres, nous arrivâmes enfin sur ce fameux plateau, le point peut-être le plus élevé du globe. La neige semble y être incrustée et faire partie du sol. Elle craquait sous nos pas, mais nous y laissions à peine une légère empreinte. Pour toute végétation, on rencontrait çà et là quelques bouquets d'une herbe courte, pointue, lisse, ligneuse à l'intérieur, dure comme du fer, sans être cassante, de sorte qu'on eût pu facilement en faire des aiguilles de matelassier. Les animaux étaient si affamés qu'il leur fallait, bon gré mal gré, attaquer cet atroce fourrage. On l'entendait craquer sous leurs dents, et ils ne pouvaient parvenir à en dévorer quelques parcelles qu'après de vigoureux tiraillements et à la condition d'ensanglanter les lèvres. Des bords de ce magnifique plateau, nous apercevions à nos pieds les pics et les aiguilles de plusieurs immenses massifs, dont les derniers rameaux allaient se perdre dans l'horizon. Nous n'avions rien vu de comparable à ce grandiose et gigantesque spectacle. Pendant les 12 jours que nous voyageâmes sur les hauteurs du Tantla, nous n'eûmes pas de mauvais temps. L'air fut calme, et Dieu nous envoya tous les jours un soleil bienfaisant et tiède pour tempérer un peu la froidure de l'atmosphère. Cependant, l'air excessivement raréfié à cette hauteur considérable était d'une vivacité extrême. Des aigles monstrueux suivaient la grande troupe des voyageurs qui leur laissaient tous les jours un certain nombre de cadavres. Il était écrit que la petite caravane des missionnaires français devait elle aussi payer son tribut à la mort, qui se contenta de notre petit mulet noir. Nous le lui abandonnâmes tout à la fois avec regret et résignation. Les tristes prophéties qui avaient été faites au sujet de M. Gabet se trouvèrent avoir menti. Ces redoutables montagnes lui furent au contraire très favorables. Elles lui rendirent peu à peu la santé et ses forces premières. Ce bienfait, presque inespéré de la divine providence, nous fit oublier toutes nos misères passées. Nous reprîmes un nouveau courage et nous espérâmes fermement que le bon Dieu nous permettrait d'arriver au terme de notre voyage. La descente du Tantla fut longue, brusque et rapide. Durant 4 jours, nous allâmes comme par un gigantesque escalier dont chaque marche était formée d'une montagne. Quand nous fûmes arrivés au bas, nous rencontrâmes des sources d'eau thermale d'une extrême magnificence. On voyait, parmi d'énormes rochers, un grand nombre de réservoirs creusés par la nature où l'eau bouillonnait comme dans de grandes chaudières placées sur un feu très actif. Quelquefois, elle s'échappait à travers les fissures des rochers et s'élançait dans toutes les directions par une foule de petits jets bizarres et capricieux. Souvent, l'ébullition devenait tout à coup si violente au milieu de certains réservoirs que de grandes colonnes d'eau montaient et retombaient avec intermittence, comme si elles eussent été poussées par un immense corps de pompe. Au-dessus de ces sources, des vapeurs épaisses s'élevaient continuellement dans les airs et se condensaient en nuages blanchâtres. Toutes ces eaux étaient sulfureuses. Après avoir longtemps bondi et rebondi dans leur vaste réservoir de granit, elles abandonnaient enfin ces rochers qui semblaient vouloir les retenir captives et allaient se réunir dans une petite vallée où elles formaient un large ruisseau qui s'écoulait sur un lit de cailloux jaunes comme de l'or. Ces eaux bouillantes ne conservaient pas longtemps leur fluidité. L'extrême rigueur de l'atmosphère les refroidissait si rapidement qu'à une demi-lieue loin de sa source, le ruisseau était presque entièrement glacé. On rencontre fréquemment, dans les montagnes du Tibet, des sources d'eau thermale. Les lamas médecins reconnaissent qu'elles ont de grandes propriétés médicales. Ils en prescrivent volontiers l'usage à leurs malades, soit en bain, soit en boisson. Depuis les monts Tantla jusqu'à Lhassa, on remarque que le sol va toujours en inclinant. À mesure qu'on descend, l'intensité du froid diminue et la terre se recouvre d'herbes plus vigoureuses et d'une plus grande variété. Un jour, nous campâmes dans une vaste plaine où les pâturages étaient d'une merveilleuse abondance. Comme nos animaux souffraient depuis longtemps d'une affreuse famine, on décida qu'on les ferait profiter de l'occasion et qu'on s'arrêterait pendant 2 jours. Le lendemain matin, au moment où nous faisions tranquillement bouillir le thé dans l'intérieur de notre tente, nous aperçûmes au loin une troupe de cavaliers qui se dirigeait sur nous, ventre à terre. À cette vue, il nous sembla que le sang se glaçait dans nos veines. Nous fûmes d'abord comme pétrifiés. Après ce premier instant de stupeur, nous sortîmes avec précipitation et nous courûmes à la tente de Rala Djembe. « Les colos, les colos !» nous écriâmes-nous. « Voici une grande troupe de colos qui arrive !» Les marchands tibétains qui étaient occupés à boire du thé et à pétrir du tsamba se mirent à rire et nous invitèrent à nous asseoir. « Prenez le thé avec nous, » dirent-ils. « Il n'y a plus de colos à craindre. Les cavaliers qui viennent sont des amis. Nous commençons à entrer dans les pays habités. Derrière cette colline que nous avons à notre droite, il y a un grand nombre de tentes noires. Les cavaliers que vous prenez pour des colos sont des bergers du voisinage. » Ces paroles nous rendirent la paix, et la paix nous ramenant l'appétit, nous nous assîmes volontiers pour partager le déjeuner des marchands tibétains. À peine nous avait-on versé une écuellée de thé beurré, que les cavaliers furent à la porte de la tente. Bien loin d'être des brigands, c'étaient au contraire de fort braves gens qui venaient nous vendre du beurre et de la viande fraîche. Leurs selles ressemblaient à des établis de bouchers. Elles soutenaient de nombreux quartiers de moutons et de chevreaux qui pendaient le long des flancs des chevaux. Nous achetâmes 8 gigots de moutons qui, étant gelés, pouvaient se transporter facilement. Ils nous coûtèrent une vieille paire de bottes de Pékin, un briquet de Pékin et la selle de notre petit mulet qui, fort heureusement, était aussi une selle de Pékin. Tous les objets qui viennent de Pékin sont très estimés par les Tibétains, et surtout par ceux qui en sont encore à la vie pastorale et nomade. Aussi les marchands qui accompagnent l'ambassade ont-ils grand soin d'inscrire invariablement sur tous leurs ballots « marchandises de Pékin ». Le tabac prisé fait surtout fureur parmi les Tibétains. Tous les bergers nous demandèrent si nous n'avions pas du tabac prisé de Pékin. M. Huc, qui était le seul priseur de la troupe, en avait eu autrefois. Mais depuis 8 jours, il en était réduit à remplir sa tabatière d'un affreux mélange de terre et de cendres. Ceux qui ont une habitude longue et invétérée du tabac pourront comprendre tout ce qu'une position pareille avait de triste et de lamentable. Condamnés depuis plus de 2 mois à ne vivre que de farine d'orge délayée dans du thé, la seule vue de nos quartiers de moutons semblait déjà nous fortifier l'estomac et rendre un peu de vigueur à nos membres amaigris. Tout le reste de la journée se passa en opérations culinaires. En fait d'épices et d'assaisonnement, nous n'avions que de l'ail et encore tellement gelé et ridé qu'il était presque anéanti dans son enveloppe. Nous épluchâmes tout ce qui nous restait et nous l'insérâmes dans 2 gigots que nous mîmes bouillir dans notre grande marmite. Les argols qu'on trouvait en abondance dans cette bienheureuse plaine nous permirent de faire assez bon feu pour cuire convenablement notre inappréciable souper. Le soleil était sur le point de se coucher et Samda Chemba, qui venait d'inspecter 1 gigot avec l'ongle de son pouce, nous annonçait triomphalement que le mouton était cuit à point, lorsque nous entendîmes retentir de toutes parts ce cri désastreux « Mion, Mion, le feu, le feu !» D'un bond, nous fûmes hors de notre tente. Le feu avait pris en effet dans l'intérieur du camp, aux herbes sèches, et menaçait d'envahir nos demeures de toile. La flamme courait dans tous les sens avec une rapidité effrayante. Tous les voyageurs, armés de tapis de feutre, cherchaient à étouffer l'incendie, ou du moins à l'empêcher de gagner les tentes. Elles furent heureusement préservées. Le feu chassé de tous les côtés se fraya une issue et s'échappa dans le désert. Alors la flamme, poussée par le vent, s'étendit au milieu de ces vastes pâturages qu'elle dévorait en courant. Nous pensions qu'il n'y avait plus rien à craindre, mais le cri « Sauvez les chameaux! Sauvez les chameaux !» nous fit aussitôt comprendre combien peu nous avions d'expérience d'un incendie dans le désert. Nous remarquâmes bientôt que les chameaux attendaient stupidement la flamme, au lieu de fuir comme les chevaux et les bœufs. Nous volâmes alors au secours des nôtres, qui étaient encore assez éloignés de l'incendie. Mais le feu y fut presque aussitôt que nous. Bientôt, nous fûmes entourés de flammes. Nous avions beau pousser et frapper ces stupides chameaux pour les forcer à fuir, ils demeuraient immobiles, se contentant de tourner la tête et de nous regarder flegmatiquement, comme pour nous demander de quel droit nous venions les empêcher de paître. Il y aurait eu en vérité de quoi les tuer. La flamme consumait avec une si grande rapidité l'herbe qu'elle rencontrait sur son passage, qu'elle atteignit bientôt les chameaux. Le feu prit à leur longue et épaisse bourre, et nous dûmes nous précipiter sur eux avec des tapis de feutre pour éteindre l'incendie qui s'était allumé sur leur corps. Nous pûmes en sauver trois, qui eurent seulement l'extrémité du poil flambé. Mais le quatrième fut réduit à un état pitoyable. Il ne lui resta pas un brin de poil sur le corps. Tout fut consumé jusqu'à la peau, qui elle-même fut affreusement charbonnée. Les pâturages qui furent dévorés par les flammes pouvaient occuper un espace d'une demi-lieue en longueur sur un quart de largeur. Les Tibétains ne cessaient de s'applaudir du bonheur qu'ils avaient eu d'arrêter les progrès de l'incendie, et nous partageâmes volontiers leur joie quand nous comprîmes toute l'étendue du malheur dont nous avions été menacés. On nous dit que si le feu avait encore continué quelque temps, il serait parvenu jusqu'aux tentes noires, et qu'alors les bergers auraient couru après nous et nous auraient infailliblement massacrés. Rien n'égale la fureur de ces pauvres habitants du désert lorsque, par malice ou par imprudence, on réduit en cendres des pâturages qui sont leur unique ressource. C'est à peu près comme si on détruisait leurs troupeaux. Quand nous nous remîmes en route, le chameau grillé n'était pas encore mort, mais il se trouvait tout à fait hors de service. Les trois autres durent se prêter à la circonstance et recevoir sur leur dos chacun une partie des bagages que portait leur infortuné compagnon de route. Au reste, toutes les charges étaient beaucoup diminuées de leur pesanteur depuis notre départ de Koukounor. Nos sacs de farine étaient à peu près vides, et depuis que nous étions descendus des montantes là, nous étions obligés de nous mettre à la ration de 2 écuellets de tsamba par jour. Avant de partir, nous avions assez bien fait nos calculs, mais nous n'avions pas compté sur le gaspillage que nos 2 chameliers feraient de nos provisions, le premier par bêtise et insouciance, et le second par méchanceté. Heureusement que nous étions sur le point d'arriver à une grande station tibétaine, où nous devions trouver les moyens de nous approvisionner. Après avoir suivi pendant quelques jours une longue série de vallons, où l'on découvrait parfois quelques tentes noires et de grands troupeaux de yaks, nous allâmes enfin camper à côté d'un grand village tibétain. Il est situé sur les bords de la rivière Napchu, désigné sur la carte de M. Andribo Goujon par le nom mongol de Kara Oussou. Les 2 dénominations signifient également « eau noire ». Napchu est la première station tibétaine de quelque importance que l'on rencontre en allant à Lhasa. Le village est composé de maisons bâties en terre et d'une foule de tentes noires. Les habitants ne cultivent pas la terre. Quoiqu'ils demeurent toujours à poste fixe, ils sont bergers comme les tribus nomades et ne s'occupent que du soin d'élever des troupeaux. On nous raconta qu'à une époque très reculée, un roi du Koukounor, ayant fait la guerre aux Tibétains, les subjugua en grande partie et donna le pays de Napchu aux soldats qu'il avait emmenés avec lui. Quoique ces Tartares soient actuellement fondus dans les peuples tibétains, on peut encore remarquer parmi les tentes noires un certain nombre de yourtes mongoles. Cet événement peut aussi expliquer l'origine d'une foule d'expressions mongoles qui sont en usage dans le pays et qui sont passées dans le domaine de l'idiome tibétain. Les caravanes qui se rendent à Lhasa doivent forcément s'arrêter quelques jours à Napchu pour organiser un nouveau système de transport, car les difficultés d'un chemin horriblement rocailleux ne permettent pas aux chameaux d'aller plus loin. Notre premier soin fut donc de chercher à vendre les nôtres. Ils étaient si misérables et si éreintés que personne n'en voulait. Enfin, une espèce de vétérinaire qui, sans doute, avait quelques recettes pour les tirer du mauvais état dans lequel ils se trouvaient, se présenta. Nous lui en vendîmes 3 pour 15 onces d'argent, et nous lui abandonnâmes l'incendié par-dessus le marché. Ces 15 onces d'argent étaient juste ce qu'il nous fallait pour louer 6 bœufs à long poil qui devaient transporter les bagages jusqu'à Lhasa. Une seconde opération fut de renvoyer le lama des monts Ratchiko. Après lui avoir fait largement ses comptes, nous lui dîmes que s'il avait l'intention d'aller à Lhasa, il devait se choisir d'autres compagnons, qu'il pouvait se regarder comme libéré des engagements qu'il avait contractés avec nous. Enfin, nous nous séparâmes de ce malheureux qui avait doublé par sa méchanceté les peines et les misères que nous avions eu à endurer en route. Notre conscience nous fait un devoir d'avertir les personnes que des circonstances quelconques pourront amener à Napchu, qu'elles feront bien de s'y tenir en garde contre les voleurs. Les habitants de ce village tibétain sont remarquables par leurs escroqueries. Ils exploitent les caravanes mongoles et autres d'une manière indigne. Pendant la nuit, ils s'introduisent adroitement dans les tentes et en emportent tout ce qui tombe sous leurs mains. En plein jour même, ils exercent leur industrie avec un aplomb et une habileté capables de donner de la jalousie aux filous les plus distingués de Paris. Après avoir fait provision de beurre, de tsamba et de quelques quartiers de moutons, nous nous acheminâmes vers Lhassa, dont nous n'étions guère éloignés que d'une quinzaine de jours de marche. Nous eûmes pour compagnons de voyage des Mongols du royaume de Karchin, qui se rendaient en pèlerinage au sanctuaire éternel. Ils avaient avec eux le grand chabron, c'est-à-dire un Bouddha vivant, qui était supérieur de leur lamaserie. Ce chabron était un jeune homme de 18 ans. Il avait des manières agréables et distinguées. Sa figure pleine de candeur et d'ingénuité contrastait singulièrement avec le rôle qu'on lui faisait jouer. À l'âge de 5 ans, il avait été déclaré Bouddha et grand lama des bouddhistes de Karchin. Il allait passer quelques années dans une des grandes lamaseries de Lhassa pour s'appliquer à l'étude des prières et acquérir la science convenable à sa dignité. Un frère du roi de Karchin et plusieurs lamas de qualité était chargé de lui faire cortège et de le servir en route. Le titre de Bouddha vivant paraissait être, pour ce pauvre jeune homme, une véritable oppression. On voyait qu'il aurait voulu pouvoir rire et folâtrer tout à son aise. En route, il lui était bien plus agréable de faire caracoler son cheval que d'aller gravement entre deux cavaliers d'honneur qui ne quittaient jamais ses côtés. Quand on était arrivé au campement, au lieu de rester continuellement assis sur des coussins au fond de sa tente, et de singer les idoles des lamaseries, il eût bien mieux aimé se répandre dans le désert et s'abandonner comme tout le monde aux travaux de la vie nomade, mais rien de tout cela ne lui était permis. Son métier à lui consistait à faire le Bouddha, sans se mêler aucunement des soins qui ne devaient regarder que les simples mortels. Le jeune chabron se plaisait assez à venir de temps en temps causer dans notre tente. Au moins, lorsqu'il était avec nous, il lui était permis de mettre de côté sa divinité officielle et d'appartenir franchement à l'espèce humaine. Il était très curieux d'entendre ce que nous lui racontions des hommes et des choses de l'Europe. Il nous questionnait avec beaucoup d'ingénuité sur notre religion. Il la trouvait très belle. Et quand nous lui demandions s'il ne vaudrait pas mieux être adorateur de Jéhovah que chabron, il nous répondait qu'il n'en savait rien. Il n'aimait pas, par exemple, qu'on lui demandât compte de sa vie antérieure et de ses continuelles incarnations. Il rougissait à toutes ces questions, et finissait par nous dire que nous lui faisions de la peine en lui parlant de toutes ces choses-là. C'est qu'en effet, le pauvre enfant se trouvait engagé dans une espèce de labyrinthe religieux auquel il ne comprenait rien du tout. La route qui conduit de Naptchua à Lhassa est en général rocailleuse et très fatigante. Quand on arrive à la chaîne des monts Korian, elle est d'une difficulté extrême. Pourtant, à mesure qu'on avance, on sent son cœur s'épanouir en voyant qu'on se trouve dans un pays de plus en plus habité. Les tentes noires qu'on aperçoit dans le lointain, les nombreux pèlerins qui se rendent à Lhassa, les innombrables inscriptions gravées sur des pierres amoncelées le long du chemin, les petites caravanes de bœufs à longs poils qu'on rencontre de distance en distance, tout cela contribue un peu à alléger les fatigues de la route. À quelques journées de distance de Lhassa, le caractère exclusivement nomade des Tibétains s'efface peu à peu. Déjà, quelques champs cultivés apparaissent dans le désert. Les maisons remplacent insensiblement les tentes noires. Enfin, les bergers ont disparu et l'on se trouve au milieu d'un peuple agricole. Le 15e jour après notre départ de Naptchu, nous arrivâmes à Pampu qui, à cause de sa proximité de Lhassa, est regardé par les pèlerins comme le vestibule de la ville sainte. Pampu, désigné par erreur sur la carte de géographie sous le nom de Pangtu, est une belle plaine arrosée par une grande rivière dont les eaux distribuées dans plusieurs canaux répandent la fécondité dans la campagne. Il n'y a pas de village proprement dit, mais on aperçoit de tous côtés de grandes fermes terminées en terrasses et ordinairement très bien blanchies à l'eau de chaux. Elles sont toujours entourées de grands arbres et surmontées d'une petite tourelle en forme de pigeonnier où flottent des banderoles de toutes couleurs, chargées d'inscriptions tibétaines. Après plus de 3 mois de route dans d'affreux déserts, où il n'était possible de rencontrer que des bêtes fauves et des brigands, la plaine de Pampu nous parut le pays le plus beau du monde. Ce long et pénible voyage nous avait tellement rapprochés de l'état sauvage que nous étions comme en extase devant tout ce qui tenait à la civilisation. Les maisons, les instruments aratoires, tout jusqu'à un simple sillon, nous paraissaient dignes d'attirer notre attention. Ce qui nous frappa pourtant le plus, ce fut la prodigieuse élévation de température que nous remarquâmes au milieu de ces terres cultivées. Quoique nous fussions à la fin du mois de janvier, la rivière et les canaux étaient seulement bordés d'une légère couche de glace. On ne rencontrait presque personne qui fût vêtu de pelleterie. À Pampou, notre caravane fut obligée de se transformer encore une fois. Ordinairement, les bœufs à long poil ne vont pas plus loin. Ils sont remplacés par des ânes extrêmement petits mais robustes et accoutumés à porter des fardeaux. La difficulté de trouver un assez grand nombre d'ânes pour les bagages des lamas de Karchin et les nôtres nous contraignit de séjourner à Pampou pendant 2 jours. Nous utilisâmes ce temps en essayant de mettre un peu d'ordre dans notre toilette. Nous avions la chevelure et la barbe si hérissées, la figure si noircie par la fumée de la tente, si crevassée par le froid, si maigre, si décomposée, que nous eûmes pitié de nous-mêmes quand nous pûmes considérer notre image dans un miroir. Pour ce qui est de notre costume, il était parfaitement assorti à notre personne. Les habitants de Pampou vivent en général dans une grande aisance. Aussi sont-ils continuellement gais et sans souci. Tous les soirs, ils se réunissent devant les fermes et on les voit, hommes, femmes, enfants, sautiller en cadence en s'accompagnant de la voix. Quand ces danses champêtres sont terminées, le maître de la ferme régale tout le monde avec une espèce de boisson aigrelette faite d'orge fermentée. C'est une espèce de bière à laquelle il ne manque que du houblon. Après 2 jours de réquisition dans toutes les fermes de la plaine, la caravane des ânes se trouva enfin organisée et nous nous mîmes en route. Nous n'étions séparés de Lhassa que par une montagne, mais c'était sans contredit la plus ardue et la plus escarpée de toutes celles que nous eussions rencontrées dans notre voyage. Les Tibétains et les Mongols la gravissent avec une grande dévotion. Ils prétendent que ceux qui ont le bonheur d'arriver au sommet reçoivent la rémission complète de leurs péchés. Ce qu'il y a de certain, c'est que si cette montagne n'a pas le pouvoir de remettre les péchés, elle a du moins celui d'imposer une longue et rude pénitence à ceux qui la franchissent. Nous étions partis à 1 heure après minuit, et ce ne fut que vers 10 heures du matin que nous atteignîmes le sommet. Nous fûmes contraints d'aller presque tout le temps à pied, tant il est difficile de se tenir à cheval parmi ces sentiers escarpés et rocailleux. Le soleil était sur le point de se coucher quand nous achevâmes de descendre les nombreuses spirales de la montagne. Nous débouchâmes dans une large vallée et nous aperçûmes à notre droite Lhassa, cette célèbre métropole du monde bouddhique. Cette multitude d'arbres séculaires qui entourent la ville comme d'une ceinture de feuillage, ces grandes maisons blanches, terminées en plateforme et surmontées de tourelles, ces temples nombreux aux toitures dorées, ce Bouddha là, au-dessus duquel s'élève le palais du Dalai Lama, tout donne à Lhassa un aspect majestueux et imposant. À l'entrée de la ville, les Mongols que nous avions connus en route et qui nous avaient précédés de quelques jours vinrent nous recevoir et nous invitaient à mettre pied à terre dans un logement qu'ils nous avaient préparé. Nous étions au 29 janvier 1846, il y avait 18 mois que nous étions partis de la vallée des Eaux Noires.